Chapitre 55. Les adieux. L'émotion qu'il avait montrée à cette occasion était bien réelle, car il aimait sincèrement son oncle. Il avait appris beaucoup de choses auprès de cet homme simple et juste. Plus fort encore, il était parvenu à faire bonne figure à Latifa, alors même qu'il la détestait cordialement. N'avait-elle pas été la cause de tout? Si seulement elle ne s'était pas acharnée à vouloir l'intégrer à toute force, rien de tout cela ne serait arrivé. Par ses attentions répétées, elle lui avait volé son identité. Il s'était vengé en lui prenant son fils. Combien ensuite il s'était délecté d'appeler le commissariat, déguiser sa voix, et surtout il avait manœuvré de telle sorte qu'on ne put jamais remonter son appel. Il s'était secrètement réjoui de l'accès de colère de Saïd Boucharif, quand celui-ci avait appris que Malik se retrouvait une nouvelle fois sous les barreaux. Cette fois, il va devoir se démerder tout seul, il y en a marre de ces conneries. Saïd Boucharif avait refusé de prendre un avocat. On garde l'argent pour les vacances, de toute façon pour ce que cela changera. Ossine Mani avait d'autant plus envie de rire que Malik Boucharif s'était retrouvé avec un avocat commis d'office et que le juge Fouchard lui en avait collé pour 4 mois ferme. Les barrettes de marijuana qu'il portait sur lui n'avaient pas arrangé ses affaires. Il avait eu beau clamer que c'était pour sa consommation personnelle, il n'avait convaincu personne. Ossine Mani s'était surtout bien gardé de se rendre au procès. Comme il l'avait expliqué à Saïd, il ne pouvait tout simplement pas se le permettre, car dans le tribunal il pouvait croiser des visages connus, et il ne souhaitait pas essuyer les remontrances de Maître Gerson. Dans sa position, il devait à tout prix éviter les amalgames. Saïd Boucharif avait parfaitement compris. Et il ne lui en avait pas tenu rigueur. Il l'avait même considéré gravement. Tu as dû payer bien cher le comportement de Malik. Il y avait une vraie tristesse dans sa voix, comme s'il avait voulu s'excuser pour son fils. Ossine Mani n'avait pas voulu l'accabler davantage. Il s'était toujours montré un bon père. Ce n'était tout de même pas de sa faute s'il ne pouvait pas ramener plus d'argent à la maison. Saïd Boucharif n'avait jamais hésité à faire des heures supplémentaires. L'homme était aussi honnête que courageux et c'est pourquoi Ossine l'appréciait tant. Naturellement, Saïd Boucharif n'avait pu s'empêcher d'être triste quand Ossine Mani lui avait fait part de son intention de rentrer au pays, mais pas un instant il ne lui avait fait le moindre reproche. En fait, lui aussi y pensait de plus en plus. Si j'étais resté au bled, Brahim et Malik auraient eu un autre comportement. L'oncle aurait su les mater. Il sait se montrer dur, lui. Avant de rentrer définitivement à Alger, il s'était fait un restaurant entre hommes. Ossine avait invité Saïd dans un bon établissement. C'était sa façon de lui montrer toute sa reconnaissance. Saïd avait voulu payer l'addition, mais en prévision, Ossine l'avait réglé d'avance. « Que puis-je faire pour toi ?» avait tristement demandé Saïd. « Tu m'as accueilli sous ton toit pendant toutes ces années. C'est déjà beaucoup. Tu m'as permis d'étudier. Tu as choisi d'étudier. Tu n'as jamais causé de dérangement. » « Maintenant, je peux bien te le dire, va. Tu es le fils que j'ai toujours rêvé d'avoir. Ne va pas croire que je n'aime pas mes enfants pour autant, ce n'est pas cela. Mes filles s'en sortent bien et je suis content pour elles. Mais j'aurais tellement aimé qu'un de mes fils suive ton exemple. J'en demandais sans doute trop. Dieu ne l'a pas voulu. Si seulement cet imbécile de Malik avait pu t'emboîter le pas. Il est loin d'être bête, l'animal, mais il est feignant. Il n'aime que la facilité. » Je crains qu'il ne grandisse jamais et qu'il finisse par faire une grosse bêtise. Parole qui devait se révéler prophétique, puisque Malik devait être condamné à perpétuité 1 an plus tard. Enfin libéré, Ossine Mani avait pris le bateau pour Alger le 22 mars 2003. Pour fêter sa complète vengeance sur son cousin, il s'était offert un cocktail puis avait regagné sa cabine. Il s'était endormi comme une masse, avec le sentiment du devoir accompli. Il n'éprouvait aucun regret pour ce qu'il avait fait, même si l'assassinat de la fille lui était toujours pénible. Il avait rapidement trouvé ses marques à Alger et à présent qu'il vivait avec sa mère et ses sœurs, il se sentait comblé. Saïd Boucharif l'avait appelé pour l'informer que Malik s'était définitivement condamné en assassinant un agent de police. Un instant, Ossine Mani avait redouté que Saïd lui demande l'adresse d'un bon avocat, mais Dieu merci, il n'en avait rien fait. Saïd Boucharif savait mieux que personne que son fils était perdu. Il ne pouvait plus que pleurer sur le sort si jamais il lui restait des larmes à verser. Osinmani, pour sa part, en doutait fortement. Après tout, Malik avait saccagé sa vie en toute connaissance de cause.